En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongilnews, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté a tenu le 20 à Séoul une conférence de presse devant le siège du gouvernement pour publier un questionnaire ouvert à l'adresse de Ban Ki-moon. Elle pose à Ban Ki-moon des questions sur des problèmes sévères relatifs à la qualité et à la morale de président, avant de souligner que sans réponse exacte sur des soupçons posés, sa participation à la campagne des présidentielles sous couvert du bien-être de la population ne sera après tout qu'une tromperie à l'égard de la population.